rien. D'un guerrier, c'est comme les Malboros, c'est juste qu'on n'est pas des carreaux. On fait tout ça attention au naufrage, on est en plein orage. Il nous faut des terrains blindés, les stems peu à plein nez. Et les guerriers, c'est les MS3, c'est le M, le S et le 3 qui dirigent le cas. La puissance est là, ferme-la. Arabe sauvage et fier, puissance forte, pire que la Risa Tunsi. Tunsi est fier, la rage, la haine. Gonfle nos veines, dès qu'on a la vingtaine, on veut se tailler les veines. Si l'envie s'en va, l'ennemi va, la mort va et vient. Nos amis les blacks, la BAC les frappe à coups de matraque. On a des casquettes, on a des sales têtes, te casse pas la tête. Un noir c'est la délinquance, un blanc c'est la tendance. L'intolérance et la délinquance apparaît de plus en plus à cause d'une merde place en prudentiel. J'écrirai au hasard, ça vient sans hasard, déclare une grosse somme dans 30 assommes. L'instinct guerrier, l'instinct guerrier, ferme ta gueule, tu vaux rien. L'instinct guerrier, mais crois, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. L'instinct guerrier, l'instinct guerrier, ferme ta gueule, tu vaux rien. L'instinct guerrier, mais crois, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. Instinct guerrier, j'ai toujours le feu varié. J'manie le micro comme une harpe, j'suis toujours méfiant comme les femmes. Juste un simple guerrier lyrical qui puce des chacals, qui armure les racailles, qui se démerde comme un antisocial. Hein, toujours débrouillard, bientôt tu feras un constat. J'baisse des bâtards, j't'explose comme un pétard. Instinct guerrier dans la peau, on bat les couilles des rageux. J'suis toujours, j'suis encore jeune, mais j'ai du courage. J'suis plus grand que mon âge. Instinct guerrier, instinct guerrier, veux porter si t'es bois rien. MS3 jusqu'à la mort. Le sang de guerre coule dans mon pot. J'aurais tout pour honorer les couleurs de mon drapeau. Laisse tes guerriers, ferme ta gueule si tu vaux rien. Nous tes guerriers, MS3, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. Laisse tes guerriers, ferme ta gueule si tu vaux rien. Nous tes guerriers, MS3, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. Instinct de guerrier, animal sauvage. Trois sorties de ma cage comme un kamikaze. J'ai craché, rien lâché jusqu'au dernier souffle. Continue même quand je souffre. Il n'est guerrier, tu ne redoutes pas de doute. J'ai fait écoute, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Instinct de guerrier du bled jusqu'au France. Tout prendre argent propre, ça, j'ai la dalle. Ça, ce que je sais, paye cash. Dans ce monde, que des sages, que des lâches. Je lâche pas l'affaire, des dignos, la rage. Je vais mon plaisir, planter mon sang à la hache. Je vais tout niquer comme MOH. Y'a plus de calibre que des calaches. Instinct de guerrier, être un leader, Ben Stiver. Emprête pas le chemin déjà tracé. En repassant par le passé, suis ta voix. Et si on sait pas d'où l'on vient, on sera pas où l'on va. Toujours traîner en bas, faire des sous par n'importe quel moyen. Juste mettre plein et bien et vivre la moyenne d'âge. Après se ranger dans la religion et devenir un sage. Instinct de guerrier, savoir que la vie est le meilleur combat qu'on mène. Faire une œuvre de sa vie, tenir les rênes. Instinct de guerrier, MS3, c'est nous. L'instinct guerrier, ferme ta gueule si tu vaux rien. L'instinct guerrier, MS3, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. L'instinct guerrier, ferme ta gueule si tu vaux rien. L'instinct guerrier, MS3, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. L'instinct guerrier, ferme ta gueule si tu vaux rien. L'instinct guerrier, MS3, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. L'instinct guerrier, ferme ta gueule si tu vaux rien. L'instinct guerrier, MS3, on n'est pas des bois rien. Cherche pas, ça te mène à rien. C'est à toi là, écoute là. MS3, on gère, Dudinho, pareil ou pas. Et toi tu te gères, cousin.